Bienvenue dans Plus que du métal, un petit clin d'œil à Metallica qui ont enflammé le Stade de France hier. J'y étais, c'était exceptionnel, très très bon concert. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui nous accueillons donc un groupe nancéen, le Corps et l'Esprit. Salut Léo, salut David. Salut Fred, salut les auditeurs, c'est comme ça qu'on dit je crois. C'est ça, c'est les auditeurs de Fat Jet, on les salue. Avant de parler de vous, on va juste faire un petit point sur l'actualité concert du coin. Alors c'est samedi prochain chez Paulette, c'est pas un groupe de métal, mais c'est un groupe que j'apprécie assez, Merzine, je sais pas si vous connaissez. Un peu dans la mouvance Noir Désir, donc Merzine chez Paulette samedi prochain. Le 31 mai, alors on va un petit peu plus loin, on va au Luxembourg, c'est Dan Atelier de Alice in Chains. Et le 1er juin, nous avons le plein air de Jarny, avec des groupes Animals Leader, Pogo Car Cash Control, Easy Strata, Willful qu'on a reçu cette année, et notamment les Massisteria qu'on va écouter avec World on Fire. C'est parti. logique, orgasme financier, éjaculation de billets sous les pavés de la plage, privé de ses enfants. Ne laissez pas la haine du système, ne laissez pas la haine s'installer, ne laissez pas la haine du système, ne laissez pas la haine s'exprimer. Massisteria, tête d'affiche du plein air de Jarny le 1er juin. Revenons donc à nos invités, le corps et l'esprit. Donc, nous avons Léo au chant, c'est ça, et David le guitariste. Enfin, un des deux guitaristes, parce qu'il y en a deux. Alors, il faut savoir qu'ils reviennent d'un week-end de tournée où ils étaient samedi à Pontarlier. Hein, vous me dites si je me trompe. C'est ça, moi, pour l'instant, t'as tout juste. Je suis juste, hein, t'as vu comment j'ai bien me suis t'as renseigné. Regardé, t'as regardé Facebook. Et hier, vous étiez à Henry, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Ouais. Alors, qui êtes-vous, le corps et l'esprit? Un petit peu d'historique, ça fait longtemps que vous existez ou pas? Je te laisse commencer ou ouais. Ça y est, on va pas comme on disait tout à l'heure, on va pas remonter non. Au méandre, mais on va dire aux prémices des lives, on va dire peut-être. Ouais, une dizaine d'années. Ouais, à peu près, ouais. Donc il y a eu pas mal de changements de line-up. À la base, c'est moi, Nico et Cédric. Donc Cédric, c'est deuxième guitariste, Nico, batteur. Ouais. On se connaît depuis un moment, on fait de la musique depuis un moment ensemble. Effectivement, on a commencé il y a un petit moment à composer les morceaux, etc. Et puis on trouvait pas forcément ce qu'on cherchait pour compléter le line-up. Les perles rares. Chercher les perles rares, en fait. Et notamment au chant, où ça a été assez compliqué de trouver le chanteur qu'on recherchait. Et puis ça a vraiment décollé avec l'arrivée de Léo. Donc Léo, tu es arrivé quand? J'ai pas... 2013 ou 2014, il y a à peu près, ouais, allez, on va dire que 4-5 ans à peu près. À peu près 4-5 ans. Entre temps, on a un autre bassiste aussi. Vous aviez retrouvé un bassiste, ouais. Juste avant moi, je crois. Ouais. Ça collait pas trop à l'affaire parce qu'on avait, il y a des projets qui avaient pas mal mûri et puis, on voulait sortir du local de répète et puis, on voulait commencer vraiment à faire du live, de l'enregistrement. Bon, ça collait pas trop à sa vision des choses, je crois, apparemment. Donc on a recruté juste après moi un bassiste. Ouais, Fred. Fred, ouais. Voilà, et à partir de 2013-2014, on a le line-up actuel, quoi. Voilà, comme vous le dites, en fouillant forcément sur votre page Facebook et autres, vous êtes un groupe de scène, je dirais. Ouais. Hein, ouais, puis on vient sortir l'album. Ouais, on va y venir à l'album. Mais ouais, l'idée c'est vraiment. Est-ce que quand tu dis groupe de scène, ça fait un peu. Non, mais. T'es allé voir Metallica quand même hier. Oui, non, mais je vous. Alors la question c'est, vous êtes un groupe nancéen, effectivement, et en gardant les tournées que vous faites, vous tournez. Vous n'avez pas beaucoup fait à Nancy, je ne l'ai pas vu. Ouais. Et vous allez quand même assez loin. Pontarlier, c'est pas à côté, vous êtes allé à Paris, oui. Strasbourg. Attendez, j'ai mes notes. Reims, bien renseigné. Pourquoi? Eh bah, Bah, clairement, c'est sur scène qu'on veut s'éclater, quoi. Ça, c'est oui, clair. Mais vous pourriez peut-être vous en faire un petit peu dans le local, Nancy, en fait, quoi. Oui. Je sais pas, Léo. Alors, ouais, pourquoi pas Nancy? On a joué à Nancy. Ouais. En fait, je crois qu'on a joué dans tous les lieux où l'on pouvait jouer à Nancy. Ouais. Non, je plaisante un peu, mais ouais, dans le style où on est susceptible de pouvoir jouer, où on aurait pu pouvoir jouer, puisque bon, avant il y avait le Rifter qui accueillait pas mal de groupes de métal, malheureusement qui a fermé depuis le début d'année. Et puis donc il y a également maintenant le Black Baron qui reprend un petit peu le flambeau. Tout simplement on a joué déjà dans les deux lieux où on peut éventuellement jouer sur Nancy en tant que groupe de métal. On avait joué au Caisson qui a fermé. Ouais. Mais le fait d'aller chercher des dates à Paris ou Reims, c'est une volonté ou c'est des occasions qui se présentent? C'est une volonté, des occasions qui se présentent. C'est l'envie de bouger, puis d'aller voir si, comment elle l'air ailleurs. C'est aussi l'occasion de croiser d'autres groupes, de faire plein de rencontres musicales super cool. C'est une volonté quand même de bouger et puis d'aller voir ce qui se passe ailleurs, d'aller voir d'autres salles. On était à Pontarlier ce week-end, une salle qui a ouvert en avril. Qui est vraiment super, avec un super concept et tout. On a été super bien accueillis. Donc, et on n'a pas ça à Nancy. Ouais. Si, on a une belle salle, c'est vrai. L'autre canal, qui est beaucoup plus éclectique, quand même, qui tourne quand même surtout de la tête d'affiche, qui donne quand même des occasions aux locaux, mais pas forcément spécifique métal, quoi. Et chez Paulette? On y est joué également. Ah oui, plus pour des ça remonte déjà. Ça remonte, ouais. Ça remonte. Donc, comme vous avez déjà joué à Terreville en première partie de Black Bomba, c'est ça? Ah, tout à fait, ouais. Et ça remonte pas, c'était. Ça remonte pas du tout. C'était en mars. Et ça devait être une belle expérience, non? Ah, carrément, ouais. C'était super, ouais. Très belle scène, très belle salle, groupe incroyable, quoi. Enfin, sur scène, ils sont énormes, c'était vraiment super cool, quoi. Sur scène et puis en dehors de la scène aussi. Ouais. Hein. Oh, c'est des beaux gars, quoi. Je vais pas dire qu'ils sont énormes en dehors de la scène. Donc sinon, l'actualité, c'est votre album. Ouais. Premier album. Mm. D'accord. On va écouter un morceau et après vous allez plus nous en parler. Donc moi je l'ai écouté, j'ai choisi Des Branches. Hein. Je vais vous dire pourquoi. Je trouve que ce morceau a une très belle orchestration. Et les morceaux de guitare sont, comment dire, pointilleux, je dirais. Ça vous va comme choix? Ah ouais, carrément. Et puis c'est ton descriptif. Ça va, vraiment ça va, pas je mal. Me, ouais, je me plante pas. Bon, alors on y va. Mal aux Débranche, un morceau du groupe Le Corps et l'Esprit. Donc, venons-en à cet album qui est tout frais, qui est tout neuf. Hein. Et moi, j'aurais une première question. Je vais décrire la pochette à nos auditeurs de Fadjet. Alors, les auditeurs vont devoir redessiner chez eux la pochette. C'est ça. Et envoyer ensuite vos esquisses à Fadjet. Donc, on a un fond rouge, un rouge sang. Hein, on peut dire ça, hein, un fond rouge sang. Oui, tout à fait. Avec une simple boîte de conserve sans marque, pas de pub hein, d'ailleurs, hein, et une sorte de. Aidez-moi. Cervelle. Ouais, cerveau. Voilà, par exemple, qui sort de la boîte de conserve. Très surprenante. Et pourquoi donc cette pochette? Parce que déjà, elle surprend. Ouais, donc ça, c'est gagné. Voilà, ça, c'est gagné. Non, l'idée c'était d'avoir déjà un visuel quand même assez fort et qui marque un petit peu. On aimait bien aussi l'idée d'avoir un truc qui pourrait sembler, quand on le décrit comme ça aux auditeurs Fadjet, un peu gore et d'essayer d'avoir un truc un peu esthétique au niveau de la photo, etc. Et puis y avait toute la symbolique de l'esprit qui se libère. La boîte de conserve, voilà, avec tous les symboles qu'il y a derrière sur la standardisation, la consommation, etc. Mmh. Donc, sortir des codes, quoi. Voilà. L'idée, c'était vraiment de symboliser comme ça, de façon très visuelle et forte, la libération de l'esprit. Et puis, il y avait le lien avec le nom du groupe, voilà. Ok. Donc, cet album est récent et il y a eu une démarche un peu particulière. Pas un peu particulière, mais vous pouvez expliquer en fait toute la réalisation de cet album. Ah oui, donc on a mis en place un crowdfunding. Voilà, c'est ça. Crowdfunding. Je te laisse te le dire en anglais. Superbe accent, Léo. Ouais. Ouais, pour un chanteur français, c'est étonnant. Pour un chanteur vosgien. Vosgien. donc oui, en fait, on a mis en place un financement participatif. Les personnes qui ont participé à l'album se sont vues octroyer des lots par rapport à ce qu'ils ont mis pour nous aider à financer. En fait, c'est eux qui ont financé la réalisation de l'album. Et en contrepartie, justement, on a à chacun comment on appelait ça ? Des contreparties. En contrepartie, ils avaient des contreparties. En contrepartie, ils avaient des contreparties. Voilà. Enfin, des participants, quoi, voilà. Et on leur donnait des contreparties. On a fait des affiches, ouais. On a fait des stickers, des autocollants. En partenariat avec une boîte de Pont-à-Mousson qui s'appelle Public Création et qui nous a permis d'avoir plein de contreparties super cool. Ouais, qui a bien assuré, ouais. C'est vrai. Ça nous a bien aidé. On a fait des doggy bags. Non, ça s'appelle pas doggy bags. Doggy bags, ça s'appelle. Doggy bags, tu sors de ça. Donc il y a des tote bags, ouais. Puis on a mis des places de concert, justement, ouais. C'était on a mis des des places de concert le concert en contrepartie, Bombay, ouais. Black Bombay, ouais. Et puis voilà quoi. D'accord. Des mugs, on aurait pu faire aussi. Ouais. C'est Nico qui voulait ça, notre batteur, des mugs. Parce que je crois qu'il voulait lui-même des mugs, en fait. Ouais, c'était pour lui. Ouais, je crois, ouais. Et vous avez réussi, vous en avez sorti combien, en fait, physiquement, des CD? 500 que vous vendez, en fait, à la suite de vos concerts. Ouais, c'est ça. Ouais. Et vous avez mis combien de temps pour composer cet album? C'est depuis que Léo est arrivé ou vous êtes dit, je sais pas, moi, l'année dernière, bon, allez, on y va là. Quand Léo est arrivé, on avait quasiment toutes les compos faites sans chant. Voilà. Sans chant. Donc, on a plus de 3 morceaux encore en réserve. Donc, quand on composait depuis pas mal de temps, effectivement, on avait déjà des morceaux assez aboutis. Ah oui, carrément, oui. Ouais. J'avais carrément qu'à me poser sur les compos, quoi. Après, on a fait quelques petits arrangements ensemble. Ouais. Mais c'était quasiment tout prêt d'un point de vue musical. Hein. Ouais. J'avais juste à écrire les textes et puis à poser les textes dessus, quoi. Donc c'était déjà pas mal avancé au niveau vraiment de la composition. Après voilà, c'était surtout de l'arrangement et puis de la mise en place et puis de la répète pour qu'on soit bien cohérent, quoi. C'est mieux dans un groupe. On a ce fonctionnement-là, c'est qu'effectivement, comme on n'a pas forcément beaucoup de temps, on n'a pas le temps de composer vraiment en répète, quoi. On n'a pas. Ouais. Donc on a ce mode de fonctionnement-là où je compose, je propose quelque chose qui est quasiment fini, donc j'enregistre en home studio, etc. Et donc après, Léo, en fonction de l'ambiance du morceau, etc., lui va poser des textes là-dessus. Et après, là, à ce moment-là, on se pose en groupe, on arrange, on modifie des choses, on change les harmonies, on peaufine le travail sur les guitares, etc. Quelque chose de plutôt classique, hein, au final. Ouais. D'accord. Donc en fait, c'est David qui propose avec les Auchan, et après, vous vous retrouvez tous et vous en discutez. Ouais. C'est ça. Okay. On arrange, tout ce qui est enchaînement, tout ce qui est les breaks, éventuellement, on revoit deux, trois trucs, des intros, des trucs comme ça, quoi. Ouais. Okay. On a une bonne base, quoi. On a déjà une bonne base avec les compos de David, quoi. Bah oui, j'imagine bien. Et vous travaillez tous, on en parlait au moment de votre morceau. Comment vous arrivez à concilier la vie professionnelle avec un enregistrement qui ne doit pas se faire non plus en deux coups de cuillère à peau, comme on dirait. Et comment ça se passe, en fait, quoi. Léo. Non, c'est peut-être pas Léo qu'il faut lui demander. C'est à David qu'on va demander ça, c'est hyper difficile pour ouais. Parce qu'en plus vous êtes cinq, donc je suppose que tout le monde n'a pas les mêmes emplois du temps. C'est ça, exactement, complètement. Ouais. On n'a pas aussi les mêmes obligations, donc ouais, c'est vachement difficile. C'est beaucoup de sacrifices quand même. Et voilà quoi. Pour les proches, pas mal. Ouais, c'est ça. Mmh. Bah ouais, c'est sacrifice. Ouais, j'entends ça surtout pour les familles, quoi. Ouais. Mais effectivement, ouais, on essaye d'optimiser au maximum. Spéciale dédicace d'ailleurs. Hein. Ouais. Ah, franchement, hein. Elles assurent. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça fait trois jours qu'elles vous ont pas vu, là, c'est tout. C'est ça. Ouais. Puis en plus, on les invite à la radio aujourd'hui. elles vous entendent. Ah, je t'ai coupé. Non, c'est bon. Ah, ok. On essaye vraiment d'optimiser notre temps, donc voilà, parce que ce que je disais sur les compos, c'est valable surtout, on travaille beaucoup à distance, on échange énormément on a un forum qui est privé à nous, où on échange sur tout ce qui concerne le groupe, voilà, pour les moments où on arrive à se rassembler tous, ce soit le plus efficace possible. Mm. Et puis on compose avec les emplois du temps de chacun, etc. Effectivement, ouais, c'est une grosse, c'est quand même de l'organisation. Complètement, c'est une logistique. Ouh. Donc là, on a la chance d'avoir Léo qui est en congé sabbatique et qui gère un peu les dates, etc. Qui m'occupe de la logistique, voilà. Ok, on va écouter un deuxième morceau. J'ai perdu le fil. Le Blackout. Ok. Ouais. Ah bah c'est parti. Dans le monde tel que je le vois. On chassera des élans dans les forêts humides et rocailleuses qui entoureront les ruines du Rockefeller Center. On portera des vêtements de cuir qui dureront la vie entière. On escaladera les immenses lianes qui envelopperont la tour Sears. Et quand on baissera les yeux, on verra de minuscules silhouettes en train de piler du maïs ou de faire sécher de fines tranches de gibier sur l'aire de repos déserte d'une super autoroute abandonnée. Blackout, l'excellent titre Blackout, hein, faut quand même le dire. Merci. Comment ? Merci. C'est vrai qu'il y a du bon son sur Fadjet. Il y a toujours le non plus que du métal. Alors, pour conclure, donc cet album, on peut le trouver donc à vos concerts, mais peut-on le trouver ailleurs ? Oui, oui. Où ça ? Bah, déjà en nous contactant. Ouais. Sur notre Facebook, tout simplement. Voilà, on n'a pas encore de boutique en ligne, mais ça ne saurait tarder. Oui. Et puis, sinon, il est présent chez quelques disquaires, pas ouais. sur Nancy. Dans les Vosges Il est. en Moselle. Ouais. Me dis pas que c'est pareil. Hein. Non. Oui, en Moselle, donc sur Metz alors. Metz. À la face cachée à Metz. Ouais. Et puis dans les Cultura. Dans les Cultura. Ouais. Ah oui. À Metz. Belle distribution, là. Ouais. Et pourquoi Une question. Pourquoi pas sur Nancy? Ah bah tout simplement c'est pour juste je dis par possibilité ou pas quoi. C'est-à-dire que comme on n'est pas distribué, on passe pas par un distributeur classique quoi, on fait ça par nos propres moyens. Les Cultura acceptent encore de distribuer des groupes en autoproduction quoi. Donc D'accord. Ce que ne fait pas la Fnac par exemple. Ce que ne fait plus la Fnac ouais. Parce qu'avant elle le faisait. Elle le faisait avant. Ouais, ouais, maintenant elle le fait plus. Que je sais, moi, avant, avec d'autres groupes, avec mon autre groupe que j'avais avant, on a été distribué dans 3-4 Fnac, justement, en apportant nos CD. Ouais, c'est bon, je prends des CD, etc. Mais ça se fait plus. Voilà. Ça se fait plus que quasiment dans les Cultura, je crois. Je dis peut-être des conneries, mais... C'est déjà pas mal. Ouais. Les Cultura. Donc, cet album est sorti. Et point de vue live, on vous retrouve le 18 mai, donc le King en Suisse, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est ça, à Neuchâtel. Ouais. Neuchâtel. Le 25 mai à Marmoutier. Ouais. C'est ça ? Oui. Et après ? Ensuite, le 29 juin, on a un festival à Mauvage. Dans la Meuse. Oui, dans la Meuse, à Mauvage. C'est une asso qui organise ça. Ça s'appelle Patchwork Electric et ça doit être la 6e ou 7e édition. On s'en va déjà pas mal, hein, on prend vacances. Ouais. Hein, on prend quand même du mois de vacances. Ouais. En septembre, ouais. Ça devrait redémarrer bien. Voilà. En septembre, vous avez déjà des dates ouais, ou pas ouais, ouais. Bon, c'est encore pas officiel, mais bon, on peut l'officialiser sur Fadjet. En exclusivité, s'il vous plaît. Ouais. Le 7 septembre, on joue à Vesoul au Café Français. Et puis, le 13. Allez, on le dit. Ouais. Hein, on joue avec Falsy. Avec les Russes de Falsy. Ouais. À Golbey. À Golbey, à l'artiste. Ok. Voilà. Bah ça. C'est un beau programme, tout ça. Donc, on va continuer sur le schéma classique de Plus que du métal. Vous restez là, vous intervenez quand vous le souhaitez, hein, bien entendu. Bon, alors, okay. On va parler un peu des sorties nouveautés. Hein. Il n'y a pas que le corps et l'esprit qui viennent de sortir une galette. on a eu le dernier Mirat et le dernier Amon Amarth. On a le vendredi prochain, le prochain Rammstein. Et le 31 mai, on a aussi Ultra Vomi. Ultra Vomi, j'ai l'impression que vous avez assez apprécié la musique d'intro. Ouais, hein, donc ça a l'air de vous parler. Le dernier, Sidi Larsen aussi, on va tous crever. Alors moi, personnellement, j'avais beaucoup apprécié Shatterbox. Shatterbox, j'avais beaucoup aimé. Un peu déçu avec Dancefloor Bastards. Et là, je trouve que cet album, donc On va tous crever, est vraiment très bon. Bon riff, une très bonne dynamique, notamment, et un mélange indus, métal électro, qui me plaît bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Super groupe de scène aussi. Sur scène, ça dépote aussi. On va écouter 010. Ils ont sorti le clip à 18h aujourd'hui, donc on est vraiment en exclusivité sur Fadjet. C'est que d'exclusivité. systèmes auxquels on acquiesce. De quoi péter en câble. Ce qui propose du drame et des larmes aux simples mortels. Collés au réel comme des robots. Comme du bonheur mais futile. Zéro à zéro. Toujours si seul en ville. Révolution technologique. Nous allons numérique. Nous affectons Zéro, le dernier morceau de Tilly Larsen. On parlait de clip justement parce qu'ils ont sorti ce clip à 18h et j'ai appris que le corps et l'esprit allaient faire un clip. Ouais, allez-y. On a un clip fin juin. Sur quel titre déjà? Sur le titre Passeur, qui est le premier morceau de l'album. Ok. Et qui est un titre qui nous tient bien à cœur sur un sujet un peu délicat de la guerre. Et donc, ouais, on est super contents de tourner ça. On a un réalisateur qui s'appelle Nicolas Alliot qui va tourner ça pour nous. Et voilà. Ça va être bien. Ça va être bien. Ça va vous aller passer sur les plateformes YouTube, Facebook, bien entendu. Mais on va le diffuser partout. Oui, vous le diffusez partout. Bien sûr, ouais. Ce sera le but, ouais. D'accord. Ouais, parce que je pense qu'on va. Enfin, on va essayer de faire un truc de bien. Oui, mais j'espère. Et puis, puis un truc qui sort peut-être des clichés aussi, quoi. Peut-être. Ouais, ça sera bien. Ah, ouais. C'est surtout. Moi, ça me tient à cœur. D'accord. Voilà. Bon, mais une actualité chargée, finalement. Hein, donc, un clip, des tournées, un nouvel album. On poursuit. Vous savez que dans Plus que du métal, on a toujours une petite partie où on parle métal, mais pas que du métal. Et là, on va reprendre sur Deutschelos, qui interprète Thunderstruck d'ACDC. ACDC, d'ailleurs, qui ont enregistré un nouvel album avec Brian Johnson et Phil Rudd, et qui vont certainement repartir en tournée. Allez, on va, c'est la surprise, vous allez voir. We'll be right back. donc Docellos avec Thunderstruck, vous connaissiez, hein, il me semble. Ouais. Ouais. Hein, mmh. faut surtout regarder le clip, il est phénoménal. Ouais, faut surtout les voir, ouais, c'est clair. Ah, ça, j'ai pas eu cette chance. Vous avez cette chance ? Non, mais non. Sur non. Les vidéos, c'est, ouais. Ça a l'air vraiment. Ah, c'est top. Alors, l'album, un très très grand album qu'on analyse succinctement, hein, dans plus que du métal. Aujourd'hui, bon, on reste dans l'actualité, Rammstein, hein, notamment avec l'album Mutter, troisième album du groupe allemand qui a été en 2007. Qui à mon sens regroupe les éléments d'une formation donc qui a su évoluer grâce à cet album malgré à l'époque les nombreux mécontentements qu'il avait été donné aux fans. Pour moi c'est il y a un aspect mélodique qui donne une dimension nouvelle aux compositions, notamment avec des titres comme Links, Mutter, Ijwil, Zoneux, et là on va écouter Firefly. De l'album Mutter de Rammstein. Et on enchaîne tout de suite avec le dernier des Strange. Je ne sais pas si vous connaissez. Allez, c'est parti! We'll be right back. donc le dernier des Stretch. Et bah écoutez, l'émission touche à sa fin, donc bah Léo et David, merci bien d'être passé une minute. Merci à toi, c'est nous, c'est je rappelle donc l'album Le Corps et l'Esprit qu'on peut trouver donc à Face Cachée sur votre site chez Cultura. Ouais. Je rappelle aussi que vous êtes le 18 mai en Suisse près de Neuchâtel, ouais. Le King à Marmoutier le 25 mai. Ouais. Que vous allez tourner un clip. Et ouais. Puis, je crois que je n'ai rien oublié. Hein. Impeccable. Eh ben, écoutez. Parfait. Merci d'être venu. Merci et, à toi. Et ben voilà, ben, l'émission Plus que du métal se finit. On se retrouve au mois de juin. Allez, ciao.